Nous sommes en compagnie d'Anne de Courchel, astrophysicienne au service d'astrophysique du CEA, le Commissariat de l'énergie atomique. On va parler, si vous le voulez bien, des objets visés par l'astronomie X. Et vous êtes au cœur du sujet puisque vous utilisez vous-même ce télescope qui est XMM Newton, hein, installé depuis 1999 en orbite autour de la Terre. Première destination d'observation, là où il y a de la chaleur, là où ça bouge, là où les énergies considérables sont en jeu, là où les étoiles explosent. Est-ce que les supernovas et ce qui se passe au moment où une étoile en fin de vie explose est le terrain d'investigation privilégié de ce type d'astronomie ? Alors tout à fait, parce qu'en fait, lors de l'explosion d'une étoile, on a donc une éjection de matière, la matière de l'étoile à très grande vitesse, et cela crée une onde de choc. Cette onde de choc va chauffer le milieu à des dizaines de millions de degrés, et c'est donc ce milieu-là qui est visible en rayons X, et qui n'est pas visible autrement. C'est un milieu très chaud, très ionisé, qui montre énormément d'éléments, d'autant plus que ces éléments viennent d'être produits dans la supernova, et sont chauffés par ces ondes de choc et donc permettent qu'on les voit, ça les rend visibles par la production d'intenses raies d'émission dans le domaine des X et d'un continu. Et donc c'est par essence le domaine idéal pour regarder ce type de plasma dans ces conditions. Il y a beaucoup de phénomènes dans ce que vous décrivez. Il y a d'abord l'explosion de l'étoile elle-même et ses mécanismes. Ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est particulièrement bien compris. Non, en fait, cela a beaucoup évolué, mais il y a encore énormément de travaux sur les modèles d'explosion. On essaie de plus en plus de comprendre, évidemment, comment sont produits ces éléments, dans quelle fraction, donc des éléments de plus en plus lourds, hein, donc c'est-à-dire du silicium, du soufre, de l'argon, du calcium, du fer, et des éléments plus lourds. Et donc, il est essentiel de savoir combien on produit suivant certains types d'explosions, comment se passe l'explosion, c'est-à-dire quel type de mélange se passe entre les couches, quel type d'instabilité, et différents types d'explosions, donc différents types de supernovas qui vont aboutir à différentes observations, différentes prédictions des modèles, et puis différentes observations. Donc tout ça contient énormément d'informations. La façon de les voir, c'est effectivement d'attendre que ce matériau soit chauffé, enfin une des façons de le voir, hein, par les rayons X, pour qu'on puisse mesurer effectivement les abondances de ces éléments, et puis de voir comment ils se répartissent géométriquement. Vous n'avez pas, vous, nécessairement besoin d'être là au moment où ça explose. Vous pouvez regarder par la suite la façon dont ce nuage de débris, je ne sais pas si j'utilise le bon mot, mais en tout cas, cette onde de choc se propage, et regarder quelle est la nature et l'abondance des matériaux lourds, les fameux éléments qui nous composent tous, hein, qui sont fabriqués dans les étoiles qui meurent. C'est à ce moment-là que vous les regardez, quoi. Oui, parce qu'en fait, au début, on voit essentiellement la supernova très brillante en optique. C'est là où sa luminosité est très très forte, mais à ce moment-là on voit très peu d'X. Pour qu'on voit une bonne quantité d'émissions X, il faut qu'une bonne portion de la matière ait été chauffée par l'onde de choc. Ça prend un certain temps, donc plus on attend, plus on voit d'émissions fortes X et plus on est capable de faire des diagnostics. Mais ça devient transparent pour vous? En fait, c'est surtout qu'il y ait suffisamment de photons émis, donc qu'il y ait suffisamment de matière chauffée. Parce qu'en fait, quand l'étoile explose, donc évidemment au début elle est très chaude, mais à ce moment-là on ne voit pas l'émission X parce que la matière est trop dense, et quand elle est diluée, elle se refroidit, oui, cette matière éjectée. Donc on la voit, elle est à des températures où elle est absolument invisible aux rayons X. Et donc la façon dont on peut les voir en rayons X, c'est que cette matière qui est éjectée va être décélérée par le milieu ambiant qui a été choqué par l'onde de choc de l'explosion, mais qui s'est propagée dans le milieu circumstellaire ou interstellaire autour de l'étoile, qui va freiner, et associé à ce freinage, à cette décélération donc de la matière éjectée, on va avoir un choc en retour qui va se propager en arrière dans la matière. Et c'est lui qui va chauffer en fait les éjectables, donc les débris de l'étoile, et qui va nous informer sur le matériel. Comme un écho. Oui, d'une certaine façon, le choc en retour fait écho, fait réponse au choc principal et au fait qu'il y a un freinage de la matière. Alors ça veut dire aussi, parce que je trouve ça extraordinaire, vous réussissez à mesurer les abondances des éléments lourds créés au moment de l'explosion. Ça se crée bien au moment de l'explosion, hein. Oui, alors il y a une partie qui est créée pendant la vie stellaire, hein. Donc dans la vie de l'étoile, donc dans les progéniteurs très massifs, on produit jusqu'au fer, et puis après, au moment de l'explosion, on produit des éléments encore plus lourds. Et donc, c'est ce qu'on voit dans les explosions, dans les supernovae. Donc, c'est tout ce matériel qu'on peut voir. Alors, on le voit qu'une fois qu'il est éclairé par le choc en retour. Autrement, il est invisible. Oui. Une autre façon de le voir, de voir une partie de ce matériel, c'est de regarder les matériaux, les éléments qui sont radioactifs. Dans le domaine gamma, par exemple, on a essayé de regarder ça pour le titane 44. Et là, c'est toute la matière qui, normalement, tout le titane 44, qui décroît radiativement et qui produit une émission gamma des rays qui sont observables. Et là, c'est l'ensemble de la matière, mais ça, à ce moment-là, il faut le observer beaucoup plus tôt. Et est-ce que ce que vous observez dans les supernovas, et donc ces éléments que vous mesurez, ça correspond à l'abondance des éléments qui sont dans l'univers? Est-ce que vous réussissez à dire, oui, il n'y a pas de problème, les étoiles sont bien les fabricants exclusifs et parfaits de ce que l'on observe? Oui, alors ça, c'est certain que c'est là où on voit des surabondances extrêmement fortes, donc des quantités d'éléments lourds bien plus fortes que celles du milieu ambiant, du milieu interstellaire, etc., puisqu'il faut un certain temps. Les supernovae produisent des éléments lourds, mais après, il faut qu'ils soient mélangés au milieu interstellaire pour être communiqués à une nouvelle génération de formation d'étoiles. Donc, on mesure effectivement des abondances extrêmement fortes qui attestent tout à fait, si besoin été, que les lieux de production sont bien les supernovae. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis après, ça se disperse dans l'univers. Et là, vous regardez sans doute aussi la façon dont s'évacue l'onde de choc dans l'environnement stellaire. Voilà, alors l'onde de choc, elle continue de se propager pendant très longtemps, en fait, dans le milieu interstellaire. Ouais, par exemple, elle a une durée de vie. Voilà, après, elle perd au fur et à mesure de l'énergie, mais elle part d'une vitesse très importante. C'est des dizaines de milliers de kilomètres au moment de l'éjection. Donc, on a une vitesse de choc qui sont très importantes. Et donc, nous, ce qu'on observe principalement, ce sont les restes de supernova historiques. Donc, ceux qui ont été observés par Tycho Brahe. Tycho Brahe, Kepler. Kepler, voilà. Donc là, on est en 1500. Comme alors, ça. Je sais plus les dates. Mais pour Kepler, c'est 1604. Et puis pour Tycho, c'est 1572. 1572. Donc, voilà. Et donc là, c'est très important parce que c'est une partie où on a encore une partie de l'histoire du reste où on a accès aux éléments, ces éléments lourds. Ils ne sont pas encore complètement mélangés, ils sont très très présents. Si on regardait par exemple au-delà de 1000 ans, on perd toute trace de ces éléments parce que ce qu'on voit principalement, c'est le milieu interstellaire qui a été chauffé et qui emporte une énorme fraction de la masse. Et donc l'émission due aux éjectats, la matière éjectée devient négligeable. Et donc ce qu'on voit principalement, c'est l'émission du milieu interstellaire chauffé. Alors, supernova historique, parce que là pour le compte on a une datation aussi, on sait quand ça a démarré exactement, il y a une observation à partir du sol, et puis peut-être aussi un effet dynamique, c'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui ces supernovas en expansion ont réussi avec les moyens dont on dispose à donner une dynamique, à les voir évoluer comme on voit évoluer la supernova 87A depuis l'hémisphère sud, où on voit que l'espèce de coquille c'est agrandi. Est-ce qu'on a encore du mouvement? Est-ce qu'on le note? Oui, ça, on voit des mouvements, on mesure les mouvements d'expansion. Mais il faut un certain laps de temps, c'est pas l'échelle de SN87A, puisque les vitesses sont un peu d'expansion sont plus négligeables que celles de 1987A. Mais on peut mesurer donc des vitesses d'expansion en séparant les observations de plusieurs années, typiquement. Alors, la supernova, c'est aussi un endroit dans lequel les particules, en grand nombre, sont accélérées et très très fortement accélérées. Et là, vous avez dans l'Astronomie X une partie de votre travail qui consiste à s'intéresser à ces accélérateurs naturels, ces espèces de ressorts naturels que sont les explosions, et vous les connectez avec le rayonnement cosmique. Vous pouvez m'éclairer un peu plus sur le sujet ? En fait, on a donc un rayonnement cosmique qu'on connaît depuis 1912, qui avait été découvert par Victor Hess en 1912. Donc, ce sont des particules accélérées, des ions, des électrons, et à des très très grandes énergies. Et une des explications proposées pour expliquer quelle était la source de cette accélération, c'était les chocs dans les restes de supernova. Pour des raisons énergétiques, c'est-à-dire qu'il suffisait 10% de l'énergie de l'explosion, l'énergie cinétique d'explosion, pour être capable de maintenir la population de rayons cosmiques. Et puis, pour des arguments théoriques, que Enrico Fermi avait proposé un mécanisme qui expliquait comment une onde de choc pouvait accélérer à des énergies très importantes dans les restes de supernova les particules. Et puis on savait d'autre part, le troisième argument, c'est qu'observationnellement, dans le domaine radio, on voit l'émission synchrotron, donc l'émission qui est liée aux électrons qui spiralent autour des lignes de champ magnétique, donc des électrons relativistes, des électrons accélérés à très hautes énergies, on voyait une émission associée au choc dans les restes de supernova. Donc ça montrait bien que dans ces endroits-là, il y avait des électrons. En fait, la grande découverte, ça a été il y a 10 ans par ASCA, ou sur SN1006, qui est un reste historique, donc observé en 1006 par les Chinois, qui a explosé en 1006, où ils ont observé une émission synchrotron non thermique, mais dans le domaine X. Donc ça mettait en jeu des énergies beaucoup plus importantes que l'émission radio, qui est typiquement du gigaélectronvolt, alors que là, ça impliquait des électrons de l'ordre du téraélectronvolt. Et ça, c'était la première indication que les restes de supernova étaient capables d'accélérer des particules, donc au-delà du régime du GEV, mais se rapprochant vraiment du régime pour lequel on parle de ces restes de supernova pour expliquer les rayons cosmiques. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait une idée théorique et il fallait une observation pour confirmer que finalement ces particules, elles étaient naturellement accélérées par des mécanismes liés à l'explosion de l'étoile. Voilà, donc avec ce satellite ASCA, il y a eu cette première preuve indépendante. Après, ce qui a pu être fait maintenant, donc avec XMM Newton et avec Chandra, ça a été de pouvoir quantifier, comprendre mieux le mécanisme par lui-même d'accélération. Parce qu'avec des données bien meilleures, avec une résolution spatiale bien meilleure, avec une spectroscopie bien meilleure, on a pu comprendre un peu mieux ce qui se passait au niveau de l'accélération, si elle était très efficace, par exemple. Est-ce qu'il y avait une grosse fraction de l'énergie du choc qui passe dans l'accélération d'électrons et de protons essentiellement, plutôt que de chauffer le gaz ? Donc en rayons X, on voit deux choses. On voit le gaz qui est chauffé à des millions de degrés, mais on voit aussi ces électrons. Donc, et ces deux parties, en fait, sont liées. Parce que si dans un choc, on accélère de façon très significative beaucoup de particules lourdes comme les protons, à ce moment-là, il y a moins d'énergie disponible pour chauffer le gaz. Donc on a une corrélation entre l'émission synchrotron au TEV et la température, par exemple, du milieu. Donc c'est tout ça qui a été mis en place dans les années 2000, après le lancement de Chandra et XMM. Et maintenant, on peut commencer à faire des diagnostics très précis sur ce mécanisme. C'est un casse-tête de physicien d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, je cherche encore une fois, parce qu'on est dans des mécanismes qui sont complexes. Vous nous parlez de plasma, de gaz, d'accélération de particules à des distances qui sont des distances colossales. On ne peut pas avoir ce laboratoire-là sur Terre. C'est trop chaud, c'est trop puissant. J'imagine que les modèles des physiciens tournent à plein régime pour essayer de voir comment ça fonctionne. En fait, on est en train de contraindre avec les observations les ingrédients nécessaires au modèle. C'est-à-dire que dans les modèles, on a donc des théoriciens ont construit des modèles pour expliquer cette accélération au choc, mais il manquait des ingrédients clés, des valeurs clés, certains paramètres pour comprendre exactement comment ça se passe. Par exemple, la valeur du champ magnétique. Et ça, c'est un paramètre qui est clé. Et maintenant, on peut avoir des estimations de cette valeur du champ magnétique parce que l'émission synchrotron dépend de la valeur du champ magnétique, par exemple. Ou d'autres indications un peu plus précises. En fait, il s'avère que dans le domaine des rayons X, la morphologie de l'émission synchrotron peut donner des fortes indications sur la valeur du champ magnétique. Et on s'est rendu compte, donc ça, ce sont des résultats spécifiques à Chandra, parce que ça demandait une résolution spatiale très très bonne, qu'en fait, le champ magnétique a l'air extrêmement amplifié dans le choc, par certainement lié à ce processus d'accélération. Donc à des valeurs bien plus élevées que les valeurs standards du champ magnétique dans le milieu interstellaire. On peut dire aujourd'hui que le rayonnement cosmique trouve sa source, les rayons cosmiques trouvent leur source finalement dans les explosions d'étoiles, où il y a encore d'autres lieux, sources de production, d'accélération de particules qui n'ont pas encore été trouvées aujourd'hui, mais qui sont peut-être un peu exotiques. Alors en fait, il y a d'autres lieux possibles, effectivement. Déjà, autour des pulsars, il y a des champs électriques très importants. Donc les particules, les électrons sont accélérés. Donc ça peut fournir une partie. Mais énergétiquement, ça ne peut pas rendre compte de l'ensemble de ces rayons cosmiques. Quand je parle aussi de rayons cosmiques, il s'agit des rayons cosmiques galactiques, donc ceux qui sont en deçà d'une certaine énergie, donc typiquement quelques 10 puissance 15 électronvolts. Au-delà en fait de 10 puissance 18, l'origine est plutôt extragalactique, et là on attend des résultats d'OG pour éclairer ce domaine des rayons cosmiques. Ça vient de plus loin, ça a traversé plus de distance, c'est plus puissant. Voilà, c'est clairement extragalactique. Ouais. Et alors qu'en deçà, donc dans le domaine en dessous de 3 10 puissance 15 électronvolts, la source principale reste quand même les restes de supernova. Maintenant, une des questions est de savoir est-ce que ça provient de restes de supernova isolés ou est-ce que ça provient de restes de supernova en groupe ? Parce qu'il s'avère que la plupart des étoiles massives se retrouvent, plus de la majorité des étoiles massives sont en groupe. Et donc dans ce cas-là, le mécanisme d'accélération pourrait être légèrement différent. Et ça, ça reste une des questions importantes. En groupe, ça veut dire que c'est comme un feu de broussailles, il y en a un qui contamine l'autre. Oui, un petit peu. En fait, c'est des associations d'étoiles massives et qui, à tour de rôle, explosent. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça donne une très forte agitation du milieu. Du milieu dans cette bulle, ça enrichit le milieu dans cette bulle, et donc ça c'est des situations donc avec des amplifications de champ magnétique, et ça ce sont des situations assez propices à l'accélération. Les sources que vous étudiez sont lointaines ou sont dans un environnement stellaire proche, j'entends par proche quelques centaines d'années-lumière, est-ce que au contraire vous vous concentrez vers le centre de la galaxie où la densité d'étoiles est plus importante? En fait, ce sont des objets qui peuvent être plus loin, effectivement, plutôt dans le plan galactique, ou bon, dans le cas des SN1006, c'est au-dessus du plan galactique, mais ça a des distances importantes. On peut regarder également dans le petit et le grand nuage de Magellan. Ah oui. Donc on commence à voir, donc dans le petit et le grand nuage de Magellan, on a des vraies images donc avec Chandra, de très bonne qualité, de restes de supernova, dont on peut vraiment voir l'extension. Il vous faut du recul. Hein. Voilà, et là on voit une autre population, une galaxie naine très différente de la nôtre. C'est complexe les supernovas. Enfin, en redécouvrant la littérature, en regardant les études qui se font, on se rend compte que dans l'idée c'est simple, on se dit bon, une étoile à la fin de sa vie elle explose, sa matière est répartie dans l'espace, au centre il reste un élément qui deviendra un pulsar ou un trou noir en fonction de la masse, mais dans le détail c'est complexe. En fait il y a énormément de physique différente et de physique qui est très mal comprise, donc on peut regarder toute la physique du choc par exemple, de savoir comment les électrons sont chauffés par rapport aux ions. Donc il y a énormément de questions de physique qui ne sont pas résolues et pour lesquelles ces observations sont cruciales parce qu'elles sont presque les seules à pouvoir fournir ce type de renseignements. Ça peut nous servir sur Terre, enfin je pense à des choses comme ITER où on va essayer de mettre des plasmas dans des endroits confinés par des champs électromagnétiques. Ça peut avoir des applications ou en tout cas la théorie servir le pratique? Oui, tout à fait. Ça c'est des choses qui peuvent initier des idées d'expérience au sol, donc avec des, par exemple le laser mégajoule ou avec, donc ça il y a des vraies expériences d'ailleurs qui sont faites ou en préparation reliées à des problématiques qu'on retrouve dans les restes de supernova et pour lequel on rééchelonne la dimension du problème à quelque chose qui puisse se faire en laboratoire sur Terre. Alors, on le disait en introduction de cette discussion, l'astronomie X, c'est une astronomie à part entière. Elle a tout l'univers comme champ d'investigation. Donc, c'est les étoiles qui naissent, c'est les étoiles qui meurent, c'est celles qui vivent en groupe, c'est les grandes structures, c'est la matière noire, sans doute. Est-ce qu'il y a un endroit où, en dehors des supernovas, où vous concentrez vos efforts? Parce que vous dites là, ce mode d'investigation, cette vision particulière qui est celle des X, apporte plus que les autres domaines. Par exemple dans la région du centre de la galaxie, donc cette région est accessible à haute énergie, donc pas dans le domaine optique en tout cas, puisque c'est trop absorbé, et en rayons X on a accès à énormément d'informations, donc on voit dans la région centrale, donc la densité d'étoiles est beaucoup plus importante, la densité de systèmes binaires, hein, de systèmes en accrétion, donc ils sont des phares en rayons X, la densité aussi d'explosion de supernova est très importante, et en plus de tout ça il y a une émission diffuse qui apparaît diffuse pour l'instant, une émission X qui correspondrait à un plasma extrêmement chaud, typiquement de 100 millions de degrés. C'est quoi un plasma? C'est un milieu avec des éléments très ionisés, donc très chauds, qui ont perdu leurs électrons, sur lesquels il reste très peu d'électrons, et qui est donc à une température très élevée. Et ce qui est incroyable, et donc qui reste toujours une énigme, c'est que le potentiel gravitationnel de la galaxie est incapable de retenir un plasma à ces températures-là. Un plasma de l'ordre de 100 millions de degrés, c'est typiquement la température dans des amas de galaxies, pour lequel on a un potentiel gravitationnel, bien sûr, bien plus important que dans une unique galaxie. Donc ça, c'est une véritable énigme qui n'a pas été résolue pour l'instant. Et donc, une des voies possibles serait que ce soit des sources ponctuelles, un assemblage de sources ponctuelles assez faibles, donc non résolues par Chandra, puisque Chandra, lui aussi, bien sûr, voit que 90% de l'émission lui apparaît diffuse. Donc ça, c'est une des voies possibles. Autrement, il faut trouver des mécanismes qui expliqueraient qu'on ait un chauffage dans cette partie de la galaxie, qui paraît très improbable. On ne voit pas comment on peut maintenir ce genre de température. Quand vous dites cette partie de la galaxie, c'est le centre, et c'est une région qui est relativement confinée ou qui a un certain espace? En fait, la plus grande difficulté, c'est que cette caractéristique d'un plasma très chaud n'est malheureusement pas que restreint qu'à la région centrale. C'est là où elle est la plus intense, donc c'est là où on peut l'étudier au mieux, parce qu'il y a une plus grande densité de cette matière chaude. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit dans le plan galactique en général. Donc avec des températures beaucoup plus élevées dans le plan galactique qui sont incompatibles avec la capacité de la galaxie à retenir ce gaz.